LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Celle-ci ? Ouais, on se prend ça ? À l'ancienne, là ? T'en veux d'autres ? Non, c'est bon, hein. Ah, on n'a pas pris de panier, par contre, il nous faudra un panier. Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre, Ornella ? On se prend un petit truc à boire ? Ouais, vas-y, je te laisse guider la boisson. C'est là-bas, je pense que c'est tout au fond. Ouais, je pense que c'est là-bas. Ah, c'est là. Bah, du coup, on est dans le Carrefour Market, juste à côté de l'ancienne épicerie de mon père. Et ça existait déjà quand mon père était encore épicier là. Et ça fait trop bizarre de revenir là, déjà. Surtout, ça n'a pas changé. Et je sais pas si tu venais faire tes courses ici ou pas. Ouais, on venait faire des petites courses de proximité. Enfin, tu sais, les trucs qui manquaient. Bah, et pas 36 000 commerçants. Donc oui, on est là. Oui, en même temps, je pense que c'est aussi l'installation de ce commerce-là qui a beaucoup nuit à mon père, en fait. Sûrement, ouais. Parce que c'est resté fermé longtemps. C'était un Shopee. Shopee, ça n'existe plus. Non. Ouais, Shopee a fermé et c'est resté en travaux pendant des années. Donc ton père n'avait pas de concurrence. Et depuis qu'ils ont ouvert ce carrefour-là, c'est vrai que ça a été... Ça a dû faire mal, ouais. Assez fatal, lui, pour ses chiffres. Et je me rappelle que parfois, ma mère me demandait d'aller acheter un petit truc, tu vois, ici. Ouais. Et j'y allais en mode un peu coupable, tu vois, bah, ouais. Enfin, mon père le savait, mais je rentrais et je me disais, ah, c'est eux les concurrents. Bah, et tout. Ouais. Et je savais pertinemment que en fait, à terme, ça allait tuer, tu vois, le Bien commerce sûr. De mon père, quoi. Alors... Moi, j'aurais dit des petites tomates cerises, un truc comme ouais. ça. Celle avec qui je discute, c'est Ornella, une de mes amies d'enfance. C'est drôle parce que nos parents se connaissaient avant notre naissance. Petit gâteau. Allez. Patricia, la mère d'Ornella, était Qu'est-ce notre voisine et une cliente de mon père. Elle est tombée enceinte en même temps que ma mère. Et avec Ornella, on est né à 10 jours d'intervalle. Ça part. Des petites tablettes au chocolat. J'ai décidé de me balader avec elle dans le 19e arrondissement de Paris, où se trouvait l'épicerie de mon père. J'en ai profité pour aller voir ses anciens clients, pour certains toujours installés dans le quartier. Qui est l'arabe du coin ? Épisode 4, l'homme de confiance. Une série de Noujoud Rejbi, réalisée par Anne de Pelchin. Mais d'abord, j'ai fait un petit stop dans l'épicerie de mon père, qui a été rachetée par Shiva. Je m'appelle Shiva. Je suis 44 ans. Depuis le 2017, je suis là, ici, la boutique. Vous faisiez quoi avant d'arriver ici ? Depuis 2008, je suis en France. Quand j'ai arrivé ici, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de vie. Et puis, le problème de familial, j'ai changé mon métier. Maintenant, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Quand je suis arrivée en France, je ne connais pas même ABC. J'ai une difficulté de parler français, mais je peux parler anglais. Vous êtes arrivée de quel pays ? Sri Lanka. Je suis Sri Lankais. Et vous êtes contente de faire ce métier ? Oui, moi je suis très contente. Parce que c'est indépendant, non ? Personne n'a jamais dit fais ça, comme ça, on peut travailler. Vous voyez ? Comment vous avez contacté mon père ? Vous l'avez appelé quand vous avez vu l'annonce ? Ça s'est passé comment ? Oui, j'ai vu le bon coin. Un annonce, j'ai bien intéressé parce qu'avec l'appartement, c'est pour ça que je viens tout de suite contacter votre papa et après on a fait, voilà. Et vous m'avez dit que vous avez acheté un autre commerce, c'est oui, ça oui. C'est où et c'est quand et quand est-ce que vous allez commencer à travailler dedans? J'ai acheté à Montreuil, de la 12e boutique, mais ça j'ai acheté même pas 200. C'est un Tunisien aussi, je pense. Il ne voulait pas intéresser de vendre des alcools, tout ça. Et maintenant, c'est bon. Il y a beaucoup de Sri Lankais qui sont achetés parce que, vous voyez, c'est ça, moi, je dis ici. Quand elles sont arrivées, nous, on est arrivés. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et, en plus, ici, c'est très difficile d'apprendre le français aussi. C'est pour ça que beaucoup de Sri Lankais sont avec des boutiques d'alimentation maintenant. Qu'est-ce que vous avez changé dans l'épicerie quand vous l'avez achetée? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de changements. Quand j'ai pris, j'ai fait un peu de travaux. Je n'ai pas changé encore le matériel, mais quand même, j'ai changé de produits, c'est ça. Produits africains, d'alcool. Et puis, moi, j'aime bien de bazar aussi. On avait des bazars, vous voyez. Comme ça, on peut changer. Voilà. Vous avez changé la place de la caisse aussi, la caisse elle était là-bas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. J'ai changé la place de caisse aussi parce que vous voyez la porte, ça, si je mets le derrière la porte, c'est pas bien, c'est pour ça que j'ai changé ici. Ça va? Demain. Oui. 1,70€. C'est voilà. Bon? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. C'est marrant parce que ça c'était la réserve où mon papa il mettait toutes ses affaires. J'ai toujours cru qu'elle était plus grande. Elle a l'air toute petite et ils mettaient tous ces cartons et on venait chercher du coup les produits ici. C'est vraiment trop bizarre la tête que ça a maintenant. J'ai l'impression que l'épicerie a rétréci en termes de taille. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de frigos et tout. Et là, c'est vrai que mon père, il avait juste les rangées. Mais bon, après, c'est marrant parce que les étagères, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est exactement ces étagères-là. Là, pareil, c'est les mêmes étagères. Juste, c'est plus les mêmes produits. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est là actuellement? Là, on est au parc de la Villette, qui est un grand parc dans le 19e. C'est un parc que je trouve hyper important quand t'es enfant ici. Oui, moi j'ai beaucoup de souvenirs ici, ouais. Beaucoup de souvenirs avec l'école, avec ma mère, on y allait un petit peu aussi. Avec l'équitation que j'ai commencé ici. On a commencé ensemble. Ouais, on a commencé ensemble l'équitation. Enfin, moi, j'ai peut-être dû commencer avant en colo, parce que j'allais beaucoup en colo. Et en tout cas, on a commencé à prendre des vrais cours ensemble ici à la Villette. Il y a un petit centre équestre. Est-ce qu'on était au... Ouais, on était au collège. Collège, ouais. Donc, je pense qu'on avait entre 11 et 13 ans. Ouais, on a fait 4e, 3e. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. On est allés dans la même maternelle, dans la même école primaire et dans le même collège. Et puis c'est marrant parce que le lien qu'on a c'est aussi grâce au fait qu'on habitait à côté et grâce au fait que nos parents aussi se connaissaient c'est ça. En fait, avant qu'on naisse. C'est ça, c'était écrit avant nous quoi. Tu te rappelles de Françoise? Oui, bah Françoise, ouais, on habitait dans le même immeuble. C'était ma voisine de palier. Je m'appelle donc Françoise Naudou, je suis des Deux-Sèvres. Que voulez-vous savoir d'autre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis antiquaire brocanteur, on va dire ça comme ça. Et comme je suis une très très vieille dame et que j'ai 72 ans, maintenant je vends sur le net et je vais quelques brocantes. Mais avant, je vendais à Clignancourt. Alors, j'ai rencontré Jamel quand il est venu à cause de son frère. Son frère avait une épicerie tout simplement à côté de chez moi. On était dans la même cour puisque c'était des HLM et on se voyait le matin. Bien. Et j'ai vu arriver un jeune homme tout à fait adorable. D'une vingtaine d'années, moi j'étais déjà mère de famille, deux enfants, etc. Et ce petit choupinet arrivait de Tunisie, de Derba, de tout ça, avec plein de projets dans la tête. Ça c'était un truc qu'il se voyait, c'est-à-dire il avait la chance d'avoir son frère. Il avait la chance donc d'avoir déjà ce qu'on dit autrefois, le pied à l'étrier. Et donc je l'ai vu bosser, il était extrêmement... adorable. C'était des gens qui étaient un peu les assistantes sociales du coin. C'est-à-dire, on arrivait, on demandait un truc qu'il n'y avait pas, ils trouvaient. Et puis, il y avait cette habitude qui consiste à aider les gens au fur et à mesure qu'ils ont besoin de petites choses. Tu as besoin d'une gousse d'ail, d'un aspirine, d'une connerie. Et cette espèce de manière de faire, avec ce côté toujours disponible et surtout... du matin au soir. C'est-à-dire, il y avait quelque chose d'imperturbable. C'était cette espèce de manière de travailler du matin au soir, sans arrêt. Et il y avait aussi cette chose qui fait que quand on vient d'un pays où ça a été dur, il n'y a pas ce racisme à la pauvreté. C'est-à-dire, il accueillait aussi bien. Bon, des fois, les alcoolos, on en a quelques-uns ici, et quelques caractériels, donc parfois c'est dur. Mais dans l'ensemble, il y avait une espèce de un réel respect, voilà. On va le dire comme ça. Et puis, le temps a passé, ça faisait Oui, plusieurs années, on parlait. On parlait de ce que chacun faisait, de ce que chacun rêvait peut-être aussi. Le frère finalement est parti au pays, est rentré. Hein. Tu l'as bien connu, mon oncle ? Oui. Ouais. Très bien. Mais j'avais plus d'affinité avec Jemel, c'est évident. Pour l'âge, pour la modernité, c'est-à-dire qu'il y avait dans les deux générations une grande différence. La preuve, c'est que son frère est retourné au pays. Il est retourné au pays avec ses enfants. Alors que Jemel, il est venu ici, il voulait s'installer, il voulait avoir une chance de travailler, une chance de réussir. Et t'allais souvent à la boutique ? Tous les jours. Ouais. Tous les jours, si c'était pas pour un fruit, c'était pour un dépannage. Si c'était pas pour un dépannage, c'était pour une recette de cuisine. Si c'était pas pour une recette de cuisine, c'est que les petites choupinettes, elles faisaient... Bonjour madame ! Bonjour ma choupinette, comment tu vas ? Et c'est, du coup, c'était dur un peu le départ de mon père. Oui, c'était une qualité de rapport qu'il n'y a pas eu après. Parce que ton père est aussi quelqu'un de... Il est distant, il n'a pas de... Il ne te tape pas sur l'épaule, c'est pas le mec comme ça, il n'a jamais été. Jamais. Même quand il était tout jeune et qu'il dépendait de personne. Il n'a pas de familiarité. Hein. Moi, je suis familière. Je suis conviviale, chaleureuse et familière. Il ne l'était pas, mais il était toujours extrêmement gentil. Pour être commerçant, il faut avoir beaucoup de patience. Jamel Rejbi, mon père. Beaucoup, énormément de patience. Il faut être philosophe, il faut être diplomate. Les clients, tu les traites tous pareil. Tu essaies de les traiter tous pareil, mais des fois, tu as des clients qui sont plus proches. Mais tu dois traiter tous de la même façon, tu dois être gentil avec eux. Parce qu'un client, c'est lui qui, en fin de compte, c'est grâce au client que tu vis. Quoi. Donc, tu es obligé de le conserver, d'essayer de prendre soin. C'est ça. C'est très important, ça aussi. Moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui venaient raconter toute leur vie, ouais, papa. Oui, en fin de compte, c'est un commerçant, c'est un petit peu... C'est un petit peu le psy aussi, parce que les gens, tous ceux qui ont des problèmes, je sais pas, en familiaux, ils viennent raconter à ceci, avec mon mari, avec mes enfants. Et moi, j'écoute et j'essaie de consoler quand je peux. C'est les liens. Enfin, c'est pratiquement important. C'est important, ça. Et tu as des exemples d'amitié que tu as pu lier avec des clients, je sais pas, enfin, Carlos par exemple, ou Erwan ou... Oui, en fin de compte, après, c'est... Au début, c'est vrai que j'ai gardé un peu de lien, mais là avec le recul, chacun fait sa vie, on a plus de contacts. Mais c'est vrai que Carlos, je l'appelle des fois de temps en temps, c'est une personne âgée, une personne formidable. Je me rappelle, il est venu me chercher une ou deux fois à l'école. Ouais, quand ta maman n'est pas là ou qu'elle est en retard ou voilà, un rendez-vous, c'est lui qui va vous chercher à l'école. Hein. C'est ça. Ou bien des fois, je le laisse lui dans la boutique et c'est moi qui viens vous chercher. Donc ça, c'était un lien que tu as tissé avec un client. En principe, oui, ça, c'est un lien très, très important parce que on ne peut pas trouver des gens comme ça tous les jours. Quoi. Quelqu'un de confiance, gentil, honnête... Moi, je me rappelle que j'aimais trop quand il y avait des clients gentils. Moi, j'aimais bien livrer. Il y en a qui sont un peu casse-pieds, quoi. Il y en a qui sont un peu... Non, je veux pas ceci, je veux celle-là. Non, pas celui-là, celui qui est derrière. Là. J'ai le paquet qui est derrière. Alors, des fois, tu es obligé d'aller chercher l'escabeau pour lui monter, pour chercher un truc. Mais c'est les mêmes. Non, pas celui-là, je veux l'autre. Tu es obligé de faire... Tu plies en quatre pour eux, quoi, t'as pas le choix. C'est ça. Mmh. Il y avait des clients qui étaient aussi... Moi, je sais que quand on livrait des personnes âgées, elles étaient trop gentilles, ces dames. Ouais, elles étaient isolées. Ça leur fait un petit peu de visite, quoi. Quand tu vas les voir, ils sont contents. Tu discutes un peu avec eux, avec elles, quoi, ou elle ou lui. Parce qu'il y a même des hommes qui... Je livre même m'est arrivé de livrer des personnes âgées, hommes, quoi. Ça va, ils sont contents. Puis ça leur rend service. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, de porter des charges. C'est bien. Tu te rappelles, papa, de la vieille dame qui m'avait cédé un truc quand elle est décédée ? Tu te rappelles de ce truc ou pas ? Parce que quand je vais faire des livraisons, je t'amène avec moi. À chaque fois, je t'amène. Tu étais petite, tu avais, je sais pas, 10 ans, un truc comme ça. Elle avait une espèce d'armoire où elle collectionnait des petites poupées. Elle mettait ça dans son salon. Et toi, à chaque fois que tu viens, tu dis, je vais aller visiter cet armoire, je vais aller regarder. À chaque fois, la dame, elle te dit, vas-y. Dès que tu rentres, la dame, elle sait que tu vas aller là-bas. Donc, elle te dit, vas-y, vas-y. C'est elle-même qui te conduit pour que tu regardes l'armoire. Et à la fin, enfin, avant qu'elle décède, elle m'a dit, moi, je vais te donner cette armoire à ta fille parce qu'à chaque fois, elle vient le regarder. Donc, elle me l'a donnée, puis je te l'ai donnée. Ouais, je me rappelle. Mmh. C'était une petite armoire en bois. Je ne sais pas pourquoi, j'avais bien aimé cette armoire. Mais C'est symbolique. C'était gentil de sa c'est part. C'est touchant, oui, c'est touchant. Très gentil. Oh, voilà. Talk to me, old pal of mine, if you feel you can't go home. On va aller à gauche, je pense, parce que là, on va s'enfoncer. En fait, j'ai plein de bons souvenirs ici, mais plein de mauvais aussi. Et c'est pas le quartier que je préfère à Paris, quoi. En fait, t'es pas à Paris ici. Enfin, je sais pas comment expliquer. T'es au bord du périph', en fait. Enfin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a moins de choses à faire. Ouais, il y avait moins de choses à faire, même si il y a beaucoup de choses qui se sont développées niveau associatif et tout ça. Mais il y avait quand même un côté très quartier, en fait. Puis t'es vite étriqué, hein. Tu fais vite le tour, hein, du 19e. Enfin, le 19e, c'est grand, mais je trouve que t'es quand même loin du centre. C'est vrai qu'il y a une ambiance un peu quartier, je suis d'accord. Et c'est en même temps la force, en même temps la faiblesse, peut-être. Oui, il y a quand même une solidarité. Enfin, moi, j'ai grandi avec une mère célibataire. Et s'il n'y avait pas eu notamment des voisins de l'entourage autour de ma mère, ça aurait été très compliqué. Peut-être qu'on l'aurait pas eu dans un quartier plus aisé. Pas sûr qu'il y aurait eu la même solidarité. Moi, je suis arrivée ici avec ma fille aînée. Patricia, la mère d'Ornella. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous êtes arrivée avec Cécile? Avec Cécile, 84. Ouais. Et vous aviez quel âge? 29. 29. Ensuite, les années ont passé et j'ai eu une deuxième fille. Ornella, qui a été dans la même école, comme toi, nous joutes. Et vous faisiez quoi? Parce que je sais que vous étiez fonctionnaire, mais... Alors moi, je n'ai pas toujours été fonctionnaire. À l'époque où j'arrive ici, en 84, non, je travaille dans l'école de styliste et de modéliste, qui est connue d'ailleurs, qui s'appelle Esmod. Vous faisiez quoi, Esmod? Moi, j'étais secrétaire, parce qu'on a besoin de secrétaires partout. Et ensuite, j'ai fait... plusieurs contrats au CFCE, qui est le Centre de Formation du Commerce Extérieur. Et ensuite, j'ai passé deux concours que j'ai réussi et je suis rentrée au ministère de la Santé. Je me suis arrêtée il n'y a pas longtemps. Voilà. Tu es à la retraite depuis combien de temps? Là, 6 mois. 6 mois. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez rencontré mon père? Oui, très bien. Vous pouvez nous raconter ce moment? Alors moi, je suis nettement plus âgée que lui, hein. Donc moi, je le rencontre, c'est un jeune homme, hein, il a 17 ans. Il venait d'arriver? Oui, il venait d'arriver, je connais son oncle, c'est ça? Son frère. C'est ça. Ouais. Et puis on sympathise rapidement, en fait, hein, alors qu'il ne me connaît pas du tout. Les choses évoluent pour lui, pour moi. Et il m'apprend, je me souviens, au bout de quelques années, qu'il vient de se marier. Et moi, je pose une question très naïve. Mais elle est où, votre épouse, quoi? Parce que je ne vois pas d'épouse, donc... Il me dit, pour le moment, elle ne peut pas venir, elle a des problèmes de papier, etc. Quelques temps après, j'apprends qu'il attend son premier enfant. C'est donc toi. Normalement. Et il se trouve que je suis enceinte au même moment, moi, de ma seconde fille, Ornella. Donc ça nous a fait bien rire, parce qu'évidemment, ta maman n'a pas du tout le même âge que moi, elle est très très jeune par rapport à moi. Voilà, et puis on noue des liens... Je ne peux pas dire que j'aille régulièrement acheter quelque chose, mais franchement, il y a des liens qui se créent. Moi, je le trouve fort sympathique. Je trouve qu'il travaille énormément. Je lui dis, mais vous passez votre vie ici, quoi. Est-ce qu'il répondait quand vous le disiez? Non. Non. On avait la chance d'habiter en haut. Oui. De la boutique. Donc nous, on descendait avec mon frère et ma sœur. Souvent, on jouait devant la boutique. Ornella nous rejoignait parfois. Ah ben oui, on faisait du roller. Et de toute façon, c'était formidable, en fait, parce qu'il y avait les enfants. Moi, je savais où ma fille était. Mais ton papa, il assurait voilà, une espèce de sécurité sur le trottoir, si j'ose dire. Il regardait toujours en fait, ce qu'on faisait. Oui. Il sortait, puis revenait. Oui. Puis... Oui. Et nous, on pouvait rester des heures et des heures à jouer tranquille. Quoi. Je me souviens d'une chose qui m'est arrivée, moi, en 2009, où je me suis cassé la jambe, et vraiment gravement, puisque j'ai dû être opérée. Enfin, il y avait un déplacement, etc. Et il a eu la gentillesse pour une visite médicale après, de m'emmener à l'hôpital. Il m'a emmené à l'hôpital dans sa voiture, parce que c'était ça où il fallait que je paye une ambulance, et ils n'ont pas voulu m'assurer les frais médicaux. Donc il vous a accompagné. Il m'a accompagné, il est venu me chercher, parce que je lui ai dit à peu près dans autant de temps, il faudra revenir. Mais est-ce que vous diriez que la présence de mon père était un lien social dans le quartier, plus oui. ou moins ouais. Oui, parce que les gens, des fois, ils achetaient rien du tout. Hein. Ils rentraient, ton pauvre papa, il vendait rien du tout. Ils rentraient pour discuter. Et, des fois, dans mes, je sentais que ça commençait à bien faire. Quoi, parce qu'il travaillait énormément. Ton père, il travaillait 12-15 heures par jour. Hein. Et il était fatigué. Et les gens, ils le saoulaient à la fin. Hein. Bon, il restait toujours aimable, mais bon... Je trouve que ton papa et également ta mère, hein, alors qu'elle était plus discrète sans doute, plus en retrait, mais je trouve qu'ils ont créé du lien. Et franchement, ça s'est senti quand ils sont partis. Ça a été une boum, une cassure, oui. Et comment, selon vous, ils créaient du lien? C'était en... Je sais pas. Ils parlaient aux personnes, pas seulement comme on croit des petits gens âgés. Non, à tout le monde, à tout le monde, tout le monde. Le rôle central de l'épicier dans le quartier ne date pas d'aujourd'hui. Pour Kamel Tmarzizeh, journaliste, écrivain et auteur de « Les Djerbiens des commerçants séculaires », l'épicier venu de Djerba, aussi appelé en arabe « El Djerbi'a Misaïd » et installé à Tunis, était déjà l'homme de confiance. Jusqu'à l'indépendance de la Tunisie, Djerba Misaïd était l'homme auquel on confiait ses secrets et ses biens, devant lequel on étalait ses difficultés personnelles, ses clients modestes payaient leurs achats à la semaine ou mensuellement. Et si quelqu'un ne remboursait pas, par exemple, sa dette, ou si quelqu'un... Non, il n'y avait pas ce genre de... C'était quelque chose de très... comment dirais-je? Ça va de soi. Donc il y avait un pacte de confiance. Voilà. Par son attitude... Et son comportement, le Djerbien était devenu le personnage dont le rôle était important au sein de la communauté de chaque quartier. Homme d'aide et de confiance pour tous les résidents de son quartier, c'est pour cette raison que Djerbien Amseïd fut tant apprécié. Et il est même devenu, dans certains cas, le conseiller, par exemple, lors d'une alliance, car les gens venaient le consulter avant de donner leur accord pour un éventuel mariage. Et se renseigner auprès de lui sur la valeur, l'honneur et la dignité de la famille, de la future fiancée ou de futur époux. À une époque où il n'était pas encore coutume de placer ses économies dans un coffre-fort ou dans une banque ou dans un organisme similaire, moult chefs de famille, en partant en voyage ou en pèlerinage à la Mecque, n'hésitaient pas à confier aux Djerbiens leurs économies composées essentiellement de bijoux, de pièces de louis d'or, de leur hoja adliya, c'est-à-dire leur titre foncier traditionnel. Tous ces individus confiaient à Djerbi une cassette contenant leur trésor, toujours accompagné d'un testament pour, en cas de disparition, mort ou accident, les héritiers légitimes du défunt reçoivent, comme il se doit, chacun sa juste part de l'héritage. Donc il était un peu commerçant, psy, notaire, il faisait tout cet épicier. Oui, c'est-à-dire, il est l'homme de confiance. Tu peux nous dire ce qu'on fait là? Bah là, du coup, on est en train de remonter la rue vers chez nous. Vers notre ancien. Notre ancien chez nous, c'est ça. Notre ancien chez nous. Et tu vois, tout ça aussi, ça a changé. J'arrive jamais à savoir ce que c'est, tous ces commerces-là. Bah, malheureusement, il y a beaucoup de trucs qui marchent pas ici. C'est ce que me disait ma mère. Enfin, qui marchent plus. Ouais. Et il y a pas mal de commerces qui se sont cassés la figure, quoi. Tu te rappelles cette boulangerie? Celle-ci, ouais. Pose délice, là. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Ça s'appelait ouais. Au pain. Oui, avant. C'est vrai. Moi, j'y allais souvent et... Tu y allais souvent pourquoi? Bah, je crois qu'elle a fermé pour les bonbons. Je crois qu'elle a fermé. Alexis Route-Bézieux, commerçant et président de la Fédération des épiciers de France. J'ai plein d'exemples d'épiciers qui nouent vraiment des relations avec leur clientèle et des relations qui sont au-delà de ce que peut faire la distribution. C'est vraiment, enfin, il faut comprendre que c'est vraiment un sacerdoce, mais l'épicier indépendant qui a souvent des horaires très élargis voit les flux de population par le fait d'être toujours là. Il observe un certain nombre de choses. Donc, il connaît sa clientèle de manière presque intuitive. Et parfois, il a pu être amené à avoir plusieurs générations. Et non sans compter que quand il livre, s'il le fait, il ne le fait pas systématiquement, mais moi, je me souviens avec un épicier chez qui j'étais en stage, livrer un couple de personnes âgées, dont les enfants vivaient à l'étranger. Je pense qu'on avait été la seule visite de la journée. Donc, on avait mis les produits dans le réfrigérateur, ils nous avaient invités à boire un verre. Donc il y avait tout un lien qui se tissait. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez marrant, c'est que il y a 2 ou 3 ans, j'avais été invité à un colloque organisé par France Alzheimer, et ils ont fait un test, je crois que c'est à Bègle, de résidents en maison et non pas en maison médicalisée, et de commerce. Et dans leur expérimentation, ils se sont rendus compte que maintenir un commerce, un lieu de socialisation, faisait en sorte que les gens allaient en maison spécialisée beaucoup plus tardivement. Parce que ça les maintenait, entre guillemets, autonomes, indépendants, et le lien était très important. Il commençait à se faire un nom, il vendait toujours du jambon, même si au fond, sa religion lui disait que c'était pas bien bon. Le dimanche et les jours fériés, il était là pour nous sauver. Des patates, du café, et un rouleau de papier WC. Il prenait jamais de vacances, mais ça c'était plutôt pas de chance. Alors sur le mur derrière la caisse, il y avait plein de photos de Marrakech. Marrakech, tout est 3 fois plus cher chez Mamar, mais c'est toujours ouvert chez Mamar. Il y a de la viande cachère chez Mamar, on peut y voir la mer chez Mamar. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux vous laisser ma petite 30 minutes. Je vais chercher son frère à l'école. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Mon père était épicier social. En plus de l'épicerie, il proposait un tas de services. Taxi, cafetier, mécanicien, maçon. Non, ça. Regardez tout ce que ça fait. Ouh. Allez, voilà. Merci. C'était une véritable angoisse pour lui de ne pas pouvoir répondre aux désirs de ses clients. Oui, exactement. Son épicerie était toujours pleine, merci. Mais on était toujours fauchés. Car bien entendu, il ne voulait pas mettre les gens en difficulté, merci, en leur demandant de payer. J'ai pas de monnaie sur moi, là. Merci, à la prochaine fois. L'extrait que vous venez d'entendre est un passage du film « Je suis à vous tout de suite » de Baya Kassmi. Je suis allée à sa rencontre pour savoir ce qui lui avait donné envie d'écrire autour de la figure de l'arabe du coin. C'était très important pour moi parce que le film s'est presque construit comme ça. La famille a une névrose de la gentillesse. Et le film s'appelle « Je suis à vous tout de suite », qui est la phrase que répète le plus le papa, qui est joué par Ramzi Bedia, et qui est vraiment, qui transmet cette névrose de la gentillesse, c'est-à-dire penser d'abord à l'autre, vouloir lui dire toujours « oui ». Et j'avais envie de travailler un peu cette image de l'épicier arabe qui a toujours tout dans son épicerie et qui est toujours prêt à accéder aux désirs de ses clients, qui est une image à la fois fantasmée et à la fois parfois réelle, parce que quand on va soi-même dans l'épicerie tenue par un maghrébin, on se rend compte que cette disponibilité extrême, elle existe aussi. Donc je voulais aussi questionner de en quoi c'est potentiellement politique aussi. Moi, j'avais toujours remarqué que d'abord je partais aussi de mon père qui n'est pas épicier arabe, qui est carreleur, mais que j'ai toujours vu réparer les voitures des voisins, réparer les trucs qui fuient chez les voisins, faire des souvent des chantiers gratuitement, ne pas vouloir être payé, et cette espèce de alors lui qui était quand même vachement victime de racisme parce que il a une barbe, qu'il a une tête, une vraie tête de maghrébin, qu'il a un accent, c'est un truc qu'il supportait très très mal quand il était mal regardé, mal jugé. Et il y a toujours répondu en voulant être tout le temps le plus agréable possible, le plus ouvert possible, le plus compréhensif, et aussi avec une sorte d'exigence de il faut être heureux d'être là, il faut s'intégrer, il faut... J'ai jamais vu, à part la colère d'avoir été mal regardée, une colère qui pouvait s'exprimer contre une personne, il ne l'exprimait pas contre cette personne, il l'exprimait en rentrant après. Mais il n'exprimait jamais de colère envers le racisme de la société française, bien au contraire. Il trouvait que la France, il trouve toujours que la France, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, qu'il est heureux d'être là, que c'est 10 fois mieux que l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son pays, mais il a cette exigence, cette volonté tenace de faire aimer les Arabes et d'être aimé. Et moi, je me suis toujours rendu compte que, en tout cas, moi qui suis de cette génération, qui est née en France, qui est née française, qui a des papiers français, je sais qu'on est une génération beaucoup plus revendicative, qui n'a pas envie de s'excuser d'être là, contrairement à nos parents. Et quand la génération arrive, une génération arrive et tient absolument à s'effacer, y a un retour de bâton, il y a un effet boomerang obligatoire. Parce que dans cet effacement, il y a aussi de la souffrance, des têtes baissées, des acceptations de choses qu'on n'aurait pas dû accepter et qui étaient nécessaires pour survivre. Et c'est arrivé aux Juifs, c'est arrivé aux Maghrébins, c'est arrivé à toutes les immigrations. Et après, la génération d'après, presque a le devoir et sent en lui la nécessité de réhabiliter quelque chose. Par rapport à l'expression « l'arabe du coin », justement, enfin, moi, je trouve et j'ai l'impression que c'est aussi très... ça peut être très péjoratif, en fait. Ça l'est, finalement. Bien sûr, ça l'est. Et les épiciers eux-mêmes, alors ça dépend, il y en a qui disent « Ah non, moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle comme ça », si c'est une manière de me nommer, finalement, ou en tout cas de me connaître, en fait. Et il y en a d'autres qui disent « Ah bah non, moi, j'aimerais être appelée par mon prénom oui. ». Parce que c'est problématique de ramener, en fait, à l'origine, forcément, en fait. Oui, totalement. Ah, mais ça réduit totalement à l'origine. Et en même temps, il y a cette contradiction, je ne sais plus comment on dit en français, il y a l'arabe et du coin qui sont collés. C'est-à-dire l'arabe, c'est a priori l'étranger, puisqu'on dit l'arabe, donc on ne dit pas le français, donc on dit l'étranger, celui qui est loin, et on dit du coin. Et tu colles les deux, et c'est intéressant. On le ramène à son origine, entre guillemets, étrangère, et en même temps, au fait qu'il est censé quand même nous servir parce qu'il est à côté. Alors, on peut dire qu'il est censé nous servir, mais on dit qu'il est du coin aussi. Ouais, c'est ça. On ne dit pas l'arabe qui sert du coin, on dit l'arabe du coin. Donc, c'est pour ça que je dis que, évidemment, que c'est insupportable de s'imaginer qu'il est là que pour servir. Mais je trouve que c'est plus ambigu que ça. Est-ce que vous trouvez que c'est problématique comme expression, finalement, ou en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression peut-être. Moi, je ne l'emploie pas. Je pense que ce genre d'expression, c'est important quand on l'emploie, si on l'emploie, de se rendre compte de ce qu'on dit, tout simplement. C'est-à-dire de pas que ça soit pas une expression inconsciente, enfin non consciente. C'est ça qui est grave, en fait. Les gens se sont toujours peut-être désignés avec des clichés. Et malheureusement, ça s'arrêtera pas, ça s'est pas arrêté. Les gens voient en premier lieu la différence. Parfois... Il y a aussi des gens qui sont arabophiles, et ça peut m'énerver tout autant. Oh, c'est merveilleux, regarde, il y a une tombe musulmane dans ce... Enfin, il y a des gens qui adorent l'étrangeté. Des fois, ça me gêne autant que ceux qui la désignent de façon négative, parce qu'il n'y a pas la conscience de se dire « mais en fait, on est pareil, on s'en fout, quoi ». On se dirige vers l'épicerie de mon papa, enfin ouais. L'ancienne épicerie de mon papa. Est-ce que tu as des souvenirs en tête ou une anecdote? Je me rappelle qu'une fois, on avait rendu fou ton père, ça je m'en rappelle, parce qu'on déplaçait les trucs, les articles. Et pour énerver ton père, faut vraiment y aller. Il était pas énervé, mais il était saoulé, quoi. Et ça, je m'en rappelle, ouais. C'est vrai que mon père, il est très patient, faut vraiment y aller. Je crois qu'il nous avait viré dans la cour, enfin, il nous avait dit d'aller jouer ailleurs, genre vraiment, genre. Mais je m'en rappelle. On avait quel âge? Parce que moi, je me souviens pas. Ah, oh, c'est, on était petites, hein. Si, si, je m'en souviens, on était petites. Je sais plus, je pense qu'on avait moins de 10 ans. Hein. Des petites chippies. Et tu venais souvent acheter des bonbons chez mon père, du coup? Ouais, ouais, ouais, j'y allais souvent. Des fois, il m'en donnait gratuitement. Mais oui, oui, j'y allais souvent. Franchement, je faisais toutes les épiceries du quartier. Je te jure. Mais pourquoi il t'en donnait gratuitement? Parce qu'il m'aimait bien. Parce qu'il me connaissait depuis longtemps. Il y avait un privilège, tu penses? Ouais, carrément, ouais. Privilège. Il n'y a pas de petites économies, hein. C'est comme ça qu'on reste riche. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le centre social qui est resté. Oui. Ça, c'est cool. Oui, carrément, ouais. Tu te rappelles de Nathalie? Nathalie, non, je m'en rappelle pas. C'était une voisine, mais tu sais, un peu loin. Elle habitait plutôt vers le bout de la rue de l'autre côté. Ouais. Et elle venait souvent faire des petites courses chez mon père. Ah, mais ça me dit vaguement quelque chose, mais je la connais pas plus que ça, ouais. Et elle gérait beaucoup, beaucoup tout ce qui est association du quartier ici. Ça me dit quelque chose, ouais. Et son fils était dans la même classe que Donia. D'accord, ah oui, ouais, génération en dessous, ouais. D'accord. Je réfléchissais en pensant à notre rendez-vous. Nathalie, ancienne cliente de mon père et créatrice de l'association de quartier, le Café des Enfants. J'y faisais pas mes courses au quotidien, mais j'y venais tout le temps. C'était typiquement l'endroit où ce type de commerce où on vient tout le temps parce que c'est l'endroit qui est proche, qui est ouvert sur une amplitude horaire qui est hyper, voilà, qui est hyper pratique quand on a oublié quelque chose, moi, entre tard. Ça a même été un endroit où, dans la graduation de l'autonomisation des enfants. Et alors au début, les petits, tu leur donnes 1 euro pour qu'ils aillent à la boulangerie. Après, voilà, l'étape d'après, c'était aller à l'épicerie. Fallait traverser le boulevard, aller un peu plus loin. Et bon, je savais que là, de toute façon, il n'y aurait pas de problème parce que mon gamin, il serait accueilli, il ne serait pas perdu parce que ce n'était pas grand. Et il y avait un œil bienveillant qui connaît tout le monde, qui connaît tous les gens du quartier. Les petits, les vieux, les squatteurs, les gens qui sont là tous les jours, les gens qui font que passer. C'est ça qui est impressionnant dans ce type de structure, en fait. De fait, il y a toute la société qui passe. Il n'y a que le bistrot, hein, qui peut rivaliser en termes de brassage et de sociabilité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet associatif, justement? Le Café des Enfants, ouais. Bah, c'est un projet qui est né de ma vie ici dans le quartier, de ma vie de mère de famille notamment dans le quartier et de personnes impliquées dans les parents d'élèves et la vie scolaire et la vie associative du quartier ou avec quelques autres personnes. On s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un fort taux de familles modestes, très modestes dans ce quartier et notamment du coup d'enfants qui partaient peu en vacances ou une fois par an ou qui sortaient pas du quartier en fait. Et on a décidé de monter une structure qui soit ouverte à tous, enfants, adultes, mais qui soit ouverte de manière totalement libre, comme on fait quand on va au café. C'est-à-dire, on vient, éventuellement, on revient pas le lendemain, on n'a pas besoin d'être inscrit, on n'a pas besoin d'être de rendre des comptes, d'une certaine manière, et qui soit ouvert au loisir, à la rencontre, au lien entre les générations. Là, pour le coup, les fruits et les légumes qu'on vendait au café, dont on servait pour faire les jus de fruits, j'allais les acheter là parce que, voilà, aller chez ton père, c'était bien plus simple et bien plus rapide, puis tant qu'à faire, là, pour le coup, je préfère lui donner mes sous que les donner. Donc, j'allais acheter les fruits, les légumes ici. Et puis, voilà, quand il manquait des trucs, on faisait les petites courses. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que mon père a vendu l'épicerie? Ça me surprend pas parce que ces commerces-là, ils meurent. Et ils sont condamnés à la fois par la multiplication de toutes ces supérettes de grandes marques qui sont pas du supermarché, mais de la petite taille. Plus petite taille où forcément on trouve plus de choses et moins cher, j'imagine. Même si ça reste cher, ça reste de toute façon moins cher que l'épicerie de quartier. Est-ce que ça t'attriste? Oui, je trouve ça dommage. Ouais. Pour ce que ça représente humainement. Et puis parce que... comment dire? Il y a une uniformisation. Une uniformisation d'un peu tout dans... dans le monde dans lequel on vit, mais particulièrement sur des lieux comme ça, bah maintenant ils se ressemblent tous. D'après l'INSEE, en 2017, il y avait 300 000 points de vente dans le commerce de détail en France, dont un peu plus de 30 000 dans ce qu'appelle l'INSEE l'alimentaire non spécialisé. Un chiffre qui comprend les indépendants et les hypermarchés. Selon Alexis Roux de Bézieux, commerçant et président de la Fédération des épiciers de France, ils étaient 140 000 épiciers indépendants en 1960. La plupart des épiciers maghrébins, probablement derniers propriétaires des commerces indépendants, disparaissent donc peu à peu. Pourquoi ? Parce que les grandes surfaces ont installé des enseignes de proximité, plus grandes et moins chères, qui proposent plus de produits, mais souvent moins de contacts humains. Anne-Sophie Bruno, historienne et auteure de « Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956 », revient sur cette disparition progressive. D'après des entretiens qui avaient été réalisés par une de mes étudiantes, Vanessa Mercier, auprès de commerçants marocains qui étaient un tout petit peu postérieurs à la période que j'ai étudiée, à partir des années 1990, il y a eu un net changement de conjoncture économique du fait du développement des magasins d'alimentation franchisés. Les Franprix, les Aides, qui se sont beaucoup développés dans les quartiers populaires, avec des enseignes qui se sont spécialisées dans le commerce à bas coût et à bas prix. Et ça a vraiment bouleversé, pour le coup, ça, l'épicerie d'alimentation générale dans les quartiers populaires. Ensuite, dans les années 2000, l'installation des supermarchés de proximité lancés par les grandes enseignes de la grande distribution pour diversifier leurs activités est venue en rajouter une couche. Mais on a vraiment, à partir des années 90, un début de prise de conscience, d'un changement du commerce, et c'est vraiment des commerçants qui ont besoin d'être, de ne jamais s'endormir sur des vieilles pratiques commerçantes, mais toujours de faire vivre leur commerce en adaptant aux nouvelles habitudes de consommation. Donc, dans les années 90, on a vraiment à la fois un changement de génération parce que une partie de ces commerçants qui s'étaient installés ont vieilli. Les enfants sont pas forcément partants pour reprendre. Ils ont été aux premières loges pour voir ce que ça veut dire que d'être ouvert le dimanche toute la journée, travailler jusqu'à 22 ou 23 heures, de faire de la livraison gratuite, d'être toujours là pour tout le monde. Et donc une partie de ces enfants n'ont pas envie de reprendre les fonds de commerce. Et dans le réseau, parmi les nouveaux entrants, il y a un besoin d'adaptation des stratégies. Donc on a vraiment un déplacement des investissements, notamment des commerçants de l'alimentation générale et des Tunisiens qui ont délaissé petit à petit l'alimentation générale quand l'alimentation générale est devenue un segment de marché beaucoup plus compliqué. Et on a eu une diversification de l'activité, plutôt vers les fruits et légumes, donc les commerces spécialisés, alimentaires toujours, mais fruits et légumes, beaucoup, puis ensuite boulangerie. Et une grande partie des boulangeries-pâtisseries en région parisienne actuellement sont des pâtisseries qui sont beaucoup tenues par des Tunisiens, alors pas toujours des mêmes régions, mais en partie quand même de la côte ou du sud-est tunisien, avec les mêmes principes de fonctionnement. Donc l'évolution des petits commerces ne se fait jamais de façon autonome, elle est toujours un reflet de l'évolution des structures commerciales. Et donc c'est une figure qui n'a pas complètement disparu, mais qui est quand même bien malmenée. C'est compliqué, quoi. C'est dur pour les épiciers. Je crois qu'ils rament, ouais. Mais ils rament comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que bon, eux, ils payent un produit 1 euro, ils le vendent 1,5 euro. Ouais, ben, il est vraiment 10, pas cher. Quoi. Franchement, c'est vraiment. Il faut en vendre des produits, quoi. Il est là, l'histoire. Ils ne croquent pas les gens, quoi. Ouais. Non, alors, c'est correct. C'est un vrai épicier de quartier. Et ici, c'est ce qui manquait. Et puis, il manquait des habitations ici avant. C'était un quartier très administratif. Donc je pense qu'il va, il va gentiment refaire sa clientèle. Mais Ben, il était même connu des gens de la préfecture et de la mairie. Ah, il était connu partout. Mais Ben l'épicier, c'est quand vous avez dit, est-ce que vous connaissez Ben l'épicier, Mais il était connu des gens des bureaux. Voilà. Les gens des bureaux, et Ben, il n'était pas connu que par les gens du quartier qui vivent dans le quartier. Il était aussi connu par les gens de bureaux. Non, à la presse. Ils allaient chez Ben c'est prendre... C'est un gars qui, voilà, comme tu dis, il livre, il c'est à l'ancienne, quoi. C'est comme avant. Comme, bonjour la patronne. C'est comme les médecins, quoi. C'est comme les médecins, avant, ils montaient les étages. Bah, maintenant, ils ne les montent plus. Ou alors, il faut appeler SOS, quoi. Bah, lui, il n'y a pas besoin de... C'est SOS Ben, quoi. Voilà. Continue à monter les étages. Voilà. Enfin, il ne demande rien de plus. Vous disiez que vous préférez aller acheter chez lui, du coup, que... Oui, parce qu'il y a une enseigne... Ah, je ne sais pas si je peux dire l'enseigne. Le commerce de proximité. Qui est dans... Nous sommes dans le quatrième, donc qui fait des prix prohibitifs. Et lui, il est... Non, il est il n'est pas plus cher, quoi. Il n'est pas plus cher. Voire même des fois moins cher. Puis le service, il est là, quoi. Donc, il est, Moi, je préfère acheter chez lui que d'aller là-bas. Ah ouais, non, c'est un bon... C'est vrai... C'est notre épicier, c'est l'épicerie fine, quoi, un peu, on va dire. Tu peux trouver du bon vin, tu peux... Chacun y trouve son compte. Mais même nous, en tant que restaurateurs, enfin, nous, on est restaurateurs juste à côté, on se dépanne, hein. La salade, du persil, on peut se dépanner, quoi, ça peut arriver. Avant le service, ils nous manquent quelque chose, on y va. N'importe quoi, voilà. Donc, bah, c'est pour ça qu'il est là depuis... Mon mari connaissant le chien, le soir, il va s'acheter ses bonbons en douce chez Ben. Ça, normalement, il devrait pas le dire. Ça, c'est l'anecdote. Voilà. Sans le chien, il va acheter ses petits bonbons en douce qu'il cache comme ça. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci encore. Au revoir. Le bistrot là. Le bistrot, oui, Fabrice. Ouais. Le vieux Paris. On lui a dit, vous connaissez Ben l'épicier. Il dit, ah oui, on connaît très bien. Oui, Fabrice. Il aime bien les bonbons, lui. Il a dit, c'est la vérité, ouais. Les bonbons, sinon, c'est l'ours au chocolat, si vous vous rappelez. Ah, en guimauve. Voilà, voilà, la guimauve, la petite guimauve au chocolat. Donc, il adore ça, oui. Ça, c'est quand il fait promener son petit chien. Chacun, c'est... Hein bah oui. Je vous en prie, entrez sans prendre des bonbons. Abderrazak Ben Mamar, dit Ben, épicier à Paris. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait pas trop de relève ensuite, comme il y a 20-30 ans, il y avait toujours quelqu'un qui reprenait la boutique familiale. Là, ça s'arrête. Est-ce que ça vous rend un peu triste? Bah, ça rend triste, bien sûr. De toute façon, malheureusement, ça rend triste. Mais d'un côté, il faut aussi être réaliste. Donc, il faut se dire aussi qu'avant, l'épicerie, ça marchait. Ça fonctionnait. Je veux dire, les gens, ils allaient chez l'épicier pour faire leurs courses. Les prix, avant, on n'avait pas ce qu'on appelle des grandes surfaces, donc à Paris. Donc les prix, en gros, dans les années 70, ils étaient fixes. Après, il y avait, à l'époque, c'était en 82, je crois, il y avait la liberté des prix par... c'était à l'époque, je crois, c'était Mitterrand. Donc c'est là que ça a changé petit à petit. Et là, donc, il y avait les grands magasins qui commençaient à rentrer dans Paris, à s'installer. Donc forcément, bah, si vous avez une épicerie, demain, il y a une supérette de 300-400 m² qui vient s'installer à côté de vous. Donc forcément, vous ne pouvez pas, je veux dire, travailler tranquillement. Donc vous êtes obligé de vendre. Maintenant, pour réussir dans l'épicerie, il ne faut plus avoir une petite épicerie comme ça, de 50 ou 100 m². Il faut avoir une épicerie de 200, 300. Donc, ça sera carrément une grande surface. Donc, là, ça marchera toujours. Et après, prendre une enseigne comme ça existe actuellement. Donc, voilà. Donc. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la suite un petit peu des épiciers sur les prochaines années? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui vendent de nouvelles choses. Enfin, on ne sait pas trop globalement sur le futur, en fait. Ce que je pense, je peux tout à fait me tromper, hein, mais j'ai l'impression que le modèle de la grande distribution intégrée a pas mal souffert et je ne suis pas certain que les Français soient toujours en attente de cela. Donc, on le voit depuis un certain nombre d'années, les hypermarchés souffrent de manière relativement forte. Probablement pas le format supermarché, mais l'hypermarché, dizaines de milliers de mètres carrés, c'est pas forcément ce dont ont aujourd'hui envie les Français, non sans compter qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent acheter sur Internet, tous les produits électroménagers et autres. Donc, la distribution, à mon avis, a plus d'avantages sur des formats de proximité, mais l'investissement que demande le métier va peut-être assez mal avec des modèles intégrés. Et donc, je ne serais pas étonné si dans les 10 à 15 ans à venir, la grande distribution redevenait d'une certaine manière un métier de centrale d'achat et de grossiste et se remette à livrer des indépendants. Et pas forcément des indépendants qui soient sous leur enseigne de type Coxy Market ou autre, mais qui seraient peut-être chez Simon, chez Paul, chez Mouloud, et que chacun se refournisse au sein des centrales d'achat, mais soit de nouveau des commerçants indépendants. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, parce que j'ai l'impression qu'il y a une surperformance quand vous êtes indépendant versus intégré, parce que vous avez un rapport avec votre clientèle un peu plus important et vous comptez pas vos heures, donc vous êtes probablement beaucoup plus présent. Et j'ai l'impression également que les Français qui ne se sont pas tournés vers le commerce alimentaire dématérialisé en type livraison sur Internet ont envie à la fois de permanence et de lien. On reviendrait vers le passé finalement. Alors, je sais pas entre si guillemets, quoi. Je sais pas si on revient vers le passé, mais les mouvements sont toujours... Et l'histoire du commerce, il y a eu des coopératives, après il y a eu des magasins intégrés, il y a eu des succursalistes. Le métier se réinvente en permanence. Mais je pense pas, il y aura une part probablement plus importante d'Internet dans l'alimentaire. Mais à mon avis, si on arrive à 30%, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y aura jamais 100% de commerce en alimentaire. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus d'hybridation du commerce. C'est Amazon qui a commencé à livrer dans tous les métiers, y compris sur l'alimentaire. Ils ont fini par acheter Whole Foods aux États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des magasins un peu différents, puisque maintenant, ils mettent des caméras, des capteurs, vous payez avec votre téléphone, vous rentrez, vous sortez. Mais ils ont hybridé le modèle entre le modèle totalement digitalisé et un modèle dans lequel vous choisissez vos produits et on facilite la solution de paiement, quoi. Bon, on va rentrer dans la cour, comme ça on peut se remémorer. Ça marche. Merci. Merci. On va passer des heures à jouer dans cette cour. Trottinette, roller, jeu de ballon. Tout à l'épicerie, on allait chercher. En fait, je crois que quand on était petites, nos parents ils voulaient pas qu'on sorte de la cour. Il y avait un truc comme ça. Je crois qu'on n'avait pas le droit de sortir de la cour. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah voilà, c'était notre jardin ici. Et mon père parfois venait nous voir ou des choses comme ça. Quand Ouais. Je me rappelle que ton père il nous donnait des cartons pour qu'on s'assoie par terre. Tu te rappelles ? Non. Si, j'ai souvenir de ça. Il nous donnait des cartons pour pas qu'on soit assises à même le sol. Trop mignon. Je me souviens pas, ça. Je te jure. Je m'en souviens de ouf. Et c'était des cartons qui venaient de la boutique ? Ouais, de la boutique. C'était des cartons de livraison. Il nous en donnait, on s'asseyait par terre dessus. Si, je m'en souviens bien. C'est peut-être moi, parce que je suis un peu une princesse. Il y a moyen que j'ai demandé à ne pas m'asseoir sur le sol. Je m'en souviens de ça. Ça, c'est fou. Bah, tu vois, ça sert d'avoir une épicerie à côté où tu connais le. Mais c'était stock, hein. T'avais ta soif, hop, pas besoin de remonter. Les autres enfants, ils devaient remonter chez eux pour boire de l'eau. Hop, tu vas boire. Toi, t'as connu, t'es une des rares, je pense, amies à avoir vraiment connu l'épicerie de l'intérieur parce que. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est rare, hein, moi, dans mes amis qui sont venus dans l'épicerie, à réserve. Bah, ton père, il voulait pas que ce soit un moulin non plus, ce qui est normal, hein, et pas faire accueillir 50 gamins. Ouais, mais même moi, c'est vrai que j'ai pas non plus autorisé. Et tu vois, je te considère vraiment comme quelqu'un de la famille, donc en fait, tu pouvais venir aller jusqu'au fond, prendre le roller, le vélo, Et prendre un bonbon par-ci par-là. Et du coup, je pense que t'as connu l'épicerie un peu comme moi, ouais, en fait. Ouais, carrément, ouais. Tu vois, pas juste la façade. Non, non, non. Non, mais je me rappelle de comment était la réserve et tout, je m'en souviens. La réserve, t'es rentrée dans la réserve ? Oui, oui, oui. Ouais. C'est comment d'avoir une amie d'enfance qui a un père épicier ? Bah en vrai c'était stylé hein. En vrai c'était vachement stylé hein. C'était, je sais pas, genre c'était un commerçant, c'était, il y avait ce côté, tu te dis marchande en fait, genre j'aimais trop en fait. On se rendait pas compte que c'était hyper dur comme boulot et tout et qu'il y passait toute sa vie. En plus il habitait au-dessus, donc il y avait pas de rupture entre le travail et la vie perso. Des fois il te laissait l'épicerie, ouais. Genre juste le temps d'aller à droite à gauche et je restais avec toi des fois. Et c'était trop bien quoi. Ouais, je me rappelle que t'aimais trop. On jouait à la marchande. toi t'aimais trop, ouais. J'étais là, bah non, mais toi t'aimais toi, trop. Ça te saoulait. Oui, oui, je m'en souviens, c'était une corvée. C'était comme garder ta petite sœur, quoi. Il me semble qu'on devait garder ta petite sœur aussi. Mais dans les yeux d'enfant, c'était un rêve, quoi. Moi, mon rêve, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, caissière ou vétérinaire. Est-ce que tu penses t'arrêter un moment et quand? Je dis pas que t'es vieux, papa, mais quand est-ce que tu penses partir? C'est quand tu commences à toi à travailler. Si tu commences à me financer, moi j'arrête demain. Ah ouais, je t'envoie directement ma j'arrête, j'arrête demain. Bah c'est noté. Cette quête de réponse était essentielle pour moi, parce qu'elle m'a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de ma famille et donc sur mon histoire. En fait, mettre en lumière le récit de vie de mon père et d'autres épiciers maghrébins a toujours été une idée présente quelque part dans un coin de mon esprit. Je suis contente qu'ils m'aient fait confiance et qu'ils aient accepté de se livrer, parce que c'est grâce à eux que ce projet se concrétise. J'espère que tout ça leur a permis de comprendre à quel point leurs vécus sont importants, à quel point il est primordial de les transmettre pour qu'ils aient enfin la place qu'ils méritent dans l'histoire de l'immigration en France. C'était « Qui est l'arabe du coin ?» Épisode 4, l'homme de confiance. Merci à Ornella et Patricia Deveau, Françoise Nodeau, Jamel Rejbi, Nathalie Ménard, Shiva, Kamel Tmarzizet, Baya Kasmi, Alexis Roux de Bézieux, Abderazak Ben Mamar dit Ben et Anne-Sophie Bruno. Prise de son, Fabien Gosset, Raymond Albouy et Jean-Baptiste Etcheparebord. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Réalisation, Anne de Pelchin. Un documentaire de Noujoud Rejbi.